Donc, ce que je vais faire, c'est présenter ce livre dont je suis éditeur et qui est sorti cet été. Et donc, je vais reprendre quelques éléments de l'introduction qui, à mon avis, regroupent un peu les préoccupations des différents auteurs. Et je parlerai mais très rapidement du contenu de chaque chapitre parce que je pense que ça, c'est assez ennuyeux, il vaut mieux le lire. Et peut-être se concentrer sur la question épistémologique pour la discussion. Donc, l'origine de ce bouquin, c'était un séminaire que j'avais organisé à Belfast en 2014. Et partant du désir de réfléchir avec d'autres sur l'état actuel de la sociologie des religions, et en particulier sur les problèmes de ce champ. De manière différente, les différents participants de ce colloque avait noté une mauvaise évaluation, ou peut-être une sous-évaluation, de la dimension sociale de la religion dans ce champ. Et en fait, ça reflète assez bien, finalement, c'est une tendance qui ne concerne pas que la sociologie des religions, ça reflète assez bien un diagnostic qui avait été fait par Capferrer à propos de l'anthropologie sociale. Et il parlait de ce qu'il appelait un peu le retrait du social. Il écrivait There is a shift away, un éloignement, une dérive, from a concern with social, relational and interactive structures, as well as institutional and organizational formations, et ainsi de suite. Tout ce qui est interaction, dynamique sociale, était finalement beaucoup moins l'objet de la focale anthropologique également. Et on retrouvait finalement, pour nous, il y avait une certaine résonance avec la sociologie de la religion, mais je pense qu'on pourrait probablement discuter d'autres champs également. Il y a une résonance, d'une part, parce que en sociologie des religions, et encore une fois dans d'autres champs, il y a une surévaluation de souvent dans la sociologie actuelle. La subjectivité de ce qu'on appelle en anglais la agency, au détriment de la structure, des relations, des interactions sociales, de leur contexte. Et par ailleurs, nous avions aussi un problème avec la manière dont la religion est parfois traitée comme un phénomène tout à fait autonome, circonscrit, séparé du reste, et donc en tant que tel, finalement, peu ou pas organisé socialement ou structuré. Donc tout ça nous semblait finalement constituer un éloignement vis-à-vis du social. Un autre problème finalement de cet éloignement, c'est qu'il a pour effet de se détourner des grands débats sociologiques qui ont cours aujourd'hui. Par exemple, la question des classes sociales qui connaît un regain d'intérêt, les théories autour de l'ethnicité, ou en anglais on parle encore de race, de ce qu'est l'individualisme dans nos sociétés contemporaines, les développements théoriques autour de l'émotion ou du corps, et j'en passe. Enfin, autre élément de notre diagnostic, la tendance à approcher la religion de manière normative. Hein, par exemple, c'est connu celui-là, « Religion is good for you hein, ». La religion, c'est bien, c'est bon pour nous, c'est bon pour la société, ça apporte des choses positives dans la vie sociale, et ainsi de suite. Ou encore, par exemple, la croyance de certains sociologues en l'universalité du besoin religieux. On retrouvera ça dans beaucoup d'écrits. Hein. Évidemment, quand on est soi-même fondamentalement religieux, on a du mal à imaginer que d'autres ne le soient pas. D'où la propension, d'ailleurs, chez certains, à trouver, célébrer un retour en force du religieux. Ou alors le religieux n'est jamais parti. Ou alors nous allons voir une révolution spirituelle. Beaucoup de cas comme ça. On pourrait regarder aussi toutes les théories autour de la post-sécularisation. On a souvent donc une distorsion du monde social, représentée plus comme la manière dont certains universitaires voudraient qu'ils soient plutôt que comme ce qu'ils pourraient être, reflétant ainsi leur position sociale et les postures idéologiques qui en découlent. Évidemment, ça pose de sérieuses questions ou problème en termes d'autonomie de la sociologie des religions vis-à-vis des organisations religieuses, vis-à-vis dans certains cas de l'État et de certaines institutions. Donc ce livre reflète d'une part le sentiment des auteurs que la sociologie des religions traverse une crise, mais peut-être a-t-elle toujours été en crise, on pourra en parler, et aussi un désir de contribuer à une meilleure compréhension de la religion. Et donc, mon introduction à ce livre dont certains points que je vais résumer à présent, propose de poser les bases d'une sociologie critique de la religion, ce qui est aussi dans le projet de ce PSL, et c'est pour cette raison qu'on se retrouve tous autour d'un certain nombre de principes. Alors, dans notre diagnostic, nous avons considéré l'histoire et la généalogie de la sociologie de la religion, qui est tout à fait particulière, et ce, malgré finalement des variations selon les contextes nationaux. En gros, une des spécificités, on va dire, quel que soit un peu le contexte national de la sociologie des religions, c'est qu'elle a été longtemps une science ancillaire des institutions religieuses, et elle a mis beaucoup de temps à s'émanciper, et dans beaucoup de cas, on pourrait dire que l'émancipation n'a jamais été complète. Plus grave, peut-être, il se peut que nous observions aujourd'hui un retour de la sociologie religieuse, ou comme disait Ronald Robertson, sociologie for religion, plutôt que sociologie of religion, sociologie pour la religion, avec aujourd'hui, et notamment dans une littérature universitaire anglo-saxonne, par exemple la célébration d'une sociologie chrétienne, sacramentelle, ou alors post-sécularisation, post-secular sociologie, ou même chrétienne, Christian sociology, toutes présentées comme la possibilité de comprendre mieux cet objet religion. Donc il me semble absolument fondamental, même si finalement ce ne sont pas forcément des approches très influentes ou très connues, mais finalement elles sont un petit peu, on va dire, on les retrouve un petit peu partout de manière fragmentée, il me semble vraiment fondamental de discuter ces approches et d'y répondre. Parce qu'elle pose des problèmes épistémologiques vraiment fondamentaux. Avant de discuter vraiment les problèmes épistémologiques que je vois dans ces approches, je voudrais évidemment d'abord vous en présenter les caractéristiques générales de cette sociologie pour la religion. On pourrait un peu les réduire, ces caractéristiques, à trois. La première, c'est que ils ont en général, ces approches ont en général une idée, c'est qu'il y a une sociologie séculière de la religion. There is a secular sociology. Qui serait donc séculière ou athée, et qui, elle, serait distincte d'une sociologie religieuse. Premier point. Deuxième point, le caractère athée, non religieux de cette sociologie, l'empêche ou l'empêcherait de comprendre le religieux à proprement parler. Et troisièmement, réintégrer, ça me fait sourire, mais parce que je trouve ça tellement naïf, la transcendance, le sacré ou le divin permettrait en revanche de développer une meilleure compréhension sociologique du religieux. Donc voici une illustration d'un texte d'un auteur qui s'appelle Gregory. Bon, vous retrouverez toutes les références, mais je peux les chercher si vous me les demandez. Il écrivait la chose suivante, et ça, je pense que ça résume assez bien un argument qu'on retrouve vraiment de manière générale. Dans cette sociologie religieuse, je cite: The rejection of confessional commitments in the study of religion in favor of social scientific or humanistic theories of religion has produced not unbiased accounts, but reductionist explanations of religious beliefs and practice with embedded secular biases that preclude the understanding of religious believer practitioners. Okay? Donc, de manière générale, c'est clair ou il faut que je fasse une traduction rapide? Non, c'est bon? Ok. La référence, pardon. Gregory, 2006. J'espère que c'était la fin. 2006. C'est donc dans une revue qui s'appelle History and Theory, volume 45, numéro 4. Et l'article s'appelle The Other Confessional History on Secular Bias in the Study of Religion. Lovely. Donc, de manière générale, les détracteurs d'une secular sociology en appellent souvent aux origines de la sociologie pour affirmer son attitude négative par rapport à la religion. Donc, on remonte toujours à Comte et Durkheim pour nous dire que la sociologie s'est développée dans un environnement positiviste. Suite aux Lumières, qui célébraient un certain scientisme, la raison, le progrès, en y opposant donc la religion, la superstition, l'obscurantisme. Ces détracteurs se réfèrent également à Marx et son approche critique et réductionniste de la religion comme simple idéologie qui cacherait et exprimerait des rapports de domination. Tout un chacun qui a lu d'ailleurs ces auteurs, y compris Marx, sait très très bien que c'est beaucoup plus complexe hein, que cela. Mais donc sur cette base, il est dit que la sociologie est fondamentalement opposée et à un biais vis-à-vis de l'objet religion, et que ceci, qu'on regarde dans les fondations de la discipline, est également caractéristique de l'étude contemporaine sociologique de la religion. Pour certains, il ne fait aucun doute, d'ailleurs, que l'ensemble des sociologues étudiant la religion sont des athées, voire des anticléricaux. Donc on ira quand même chez Rodney Stark, qui est un sociologue des religions, que, et je cite, « Until very recently, nearly all social scientists who studied religion did so from anti-religious motives and premised their work on atheism, and many still do. » On suppose ici donc que les sociologues qui étudient un objet, étudient cet objet tout en voulant le dénoncer et le réduire plutôt que de le comprendre. Stark continue. Even if they abide by the agnostic assumption, social scientists are unlike to grasp the human side of phenomena for which they have no empathy. En fait, même quand ils adoptent une sorte d'agnosticisme méthodologique, ils ne peuvent comprendre un phénomène pour lequel ils n'ont aucune empathie. De plus, ce manque d'expérience personnelle, religieuse et d'empathie chez les sociologues de la religion, nous dit-on, les conduit à voir les sensibilités religieuses comme une sorte de déformation et du coup à pathologiser la vie religieuse. Donc nous, sociologues des religions, voyons en fait la vie religieuse comme quelque chose d'anormal. Les sociologues des religions sont donc déficients. C'est aussi ce qui, sans aucun doute, conduit ces sociologues déficients à annoncer le déclin de la religion dans les sociétés contemporaines, puisque nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas, nous ne le saisissons pas. Donc il faut bien voir ici qu'il y a un lien entre ces arguments et le débat sur la sécularisation. Certains, donc, pensent que les théoriciens de la sécularisation évoquent ce déclin de l'importance de la religion dans la vie sociale, volontairement même, afin de se détourner d'une conscience spirituelle que pourtant on observerait partout. C'est un argument que l'on retrouvera par exemple chez Margaret Archer. Donc je sais qu'elle n'est pas très très connue, Margaret Archer, ici, mais faut savoir que c'est quand même une sociologue en théorie sociologique très influente, très reconnue au Royaume-Uni. C'est pas quelqu'un dans l'ombre ou en périphérie. Hein. Elle est très connue pour ses théories sur la réflexivité, le réalisme critique. D'où ma discussion en détail dans l'introduction sur ce qu'elle a pu écrire. Et il y a aussi tout un chapitre écrit par Peter Doak sur Margaret Archer. Et Margaret Archer, d'ailleurs, nous invite dans un texte que je critique donc à essayer de développer cette sensibilité spirituelle qui nous manque tellement. Archer nous offre aussi un autre argument qui me semble absolument surprenant venant d'une sociologue. Pour elle, un autre défaut de cette sacral sociology est le suivant. En se concentrant sur les aspects sociaux et culturels de la religion, la sociologie serait en fait incapable de comprendre celle-ci, et d'ailleurs plus généralement de saisir le monde humain dans son ensemble. Pourquoi ? Parce que ainsi, on ne prendrait pas en compte les interactions fondamentales qui existent entre les humains et la transcendance. Je reste sans voix quand je lis un sociologue nous dire que sa discipline ne peut saisir un objet, car cette discipline se focalise sur les dimensions sociales et culturelles de son objet. Bon, j'ai un peu du mal. Et d'ailleurs, il y a une autre question qui est intéressante, et on pourra en discuter après. A-t-on besoin de croire dans la transcendance pour explorer les interactions entre les êtres humains et celle-ci ? On peut très bien le considérer comme finalement un phénomène qui existe pour les acteurs sociaux et regarder ce que ça fait pour les acteurs. Et ce que d'ailleurs beaucoup d'anthropologues, de sociologues font. On pourra revenir là-dessus. Enfin, de tout cela découle un dernier argument donc dans cette sociologie religieuse. Archer et d'autres concluent que finalement la recherche scientifique concernant la religion serait meilleure si elle intégrait d'une manière ou d'une autre la transcendance. Transcendance souvent implicitement conceptualisée dans les textes de manière chrétienne, j'y reviendrai. Et donc, une sociologie dite post-secular, sacramentelle, théologique, chrétienne, selon les auteurs, nous fournirait une compréhension plus solide et complète de l'objet religieux. Alors moi je pense que quand même ces arguments appellent une réponse, non seulement parce que certaines des affirmations que je viens d'énoncer me semblent tout à fait erronées d'un point de vue factuel, pour revenir au papier précédent, hein, se demander aussi sur la question d'intentionnalité ici. Ça tient à différentes raisons, d'une part à des raisons idéologiques, à mon avis, mais aussi au fait que ces auteurs, c'est pas quand même le cas de Ronnie Stark, ça devrait pas être le cas, mais beaucoup de ces auteurs semblent n'avoir qu'une connaissance très superficielle de la sociologie des religions, voire une ignorance presque totale. Et d'ailleurs, donc Margaret Archer travaillait à Warwick, et j'en avais discuté avec Jim Beckford, et il lui avait posé la question, mais est-ce que tu as lu des travaux de la sociologie des religions? Elle a dit, ah non, non, moi ça m'intéresse pas. Mais elle a quand même écrit tout un chapitre dans un livre pour, bon, en gros, nous dessouder en bonne et due forme. Alors, je pense que ce qui est plus important aussi pour nous, au-delà du fait qu'il y a des choses tout à fait inexactes dans ce qui a pu être écrit là, c'est aussi que ce retour à la sociologie religieuse, notamment dans un rapport très ambivalent vis-à-vis de l'objet, dans les problématiques autour de la réflexivité ou en tout cas d'un manque de réflexivité, pose des problèmes épistémologiques qui sont très importants pour nous et à mon avis auxquels on veut se confronter. Alors, pour commencer, comme je le disais, cette critique de la sociologie de la religion contemporaine est souvent sans fondement sans connaissance du champ. Je me demande par exemple ce qui permet à Stark de dire que la plupart des sociologues des religions sont athées et ont écrit d'un point de vue anti-religieux. Il ne s'est pas basé d'ailleurs dans ce texte sur aucune... Il y a très peu de livres. Il y a un livre aux États-Unis, et puis, enfin, qui, en anglais, mais qui... et un livre en français sur la sociologie de la sociologie de la religion, sur les trajectoires des sociologues des religions, mais il y a finalement très peu de choses. Donc il n'a pas vraiment les moyens et en tout cas il ne s'en donne pas de faire cette affirmation. Encore une fois, je disais, Archer ne connaît pas le champ. Du coup, je pense que cette idée de dire qu'il faut redresser le biais athée ou anticlérical de la sociologie me semble peut-être obsolète, parce qu'il faudrait-il encore qu'il y ait un biais, et faudrait-il encore que ces auteurs aient voulu, par exemple, prendre certains textes, certains ouvrages, certaines études, et nous montrer comment, et c'est peut-être le cas, mais faut-il encore le montrer, comme on dit en anglais, it's untested, comment finalement un certain biais ne permet pas à certains auteurs, dans certaines études, d'approcher la transcendance, le divin ou l'expérience religieuse d'une manière appropriée. On peut le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Par ailleurs, les arguments aussi manquent souvent de rigueur et de précision. On ne nous explique jamais dans ces textes comment nous serions censés intégrer la transcendance dans les processus de recherche. D'ailleurs, ils ne citent jamais des recherches sur la transcendance pour parler de cela. À quel moment ? Est-ce que c'est d'un point de vue théorique ? Est-ce que c'est d'un point de vue méthodologique ? Et d'ailleurs, on ne nous explique pas non plus quels en seraient précisément les atouts méthodologiques, théoriques ou épistémologiques. Moi, je veux bien discuter de l'argument, mais il faut le faire. Bien. Donc, il y a quand même là un débat qui me semble plus idéologique que scientifique. Et j'ai tendance à penser que ce débat est mené par les universitaires et intellectuels qui, dans le champ scientifique, tentent d'acquérir un capital symbolique de par un positionnement religieux. Mais encore une fois, je voudrais discuter du coût épistémologique de cette sociologie religieuse. Donc les avocats de celle-ci nous affirment qu'il faudrait avoir un point de vue, et en tout cas une expérience religieuse, pour mieux comprendre cet objet. Et il me semble que c'est une erreur fondamentale, que d'imaginer que notre expérience subjective en tant qu'acteur, et donc située, doit participer à l'analyse et l'interprétation de nos données, comme si notre expérience du monde social pouvait être similaire à celle de tout autre acteur, comme si notre socialisation, le genre, l'ethnicité, la classe sociale, l'âge, ainsi de suite, n'avait aucune influence sur nos représentations, sur nos expériences, sur nos croyances, et ainsi de suite. Une telle approche nous conduirait simplement à produire des discours qui reflètent notre propre positionnement, plutôt que d'interpréter celui des acteurs sociaux, ce qui me semble être notre objectif. Les avocats de la sociologie pour la religion sont d'ailleurs de parfaites illustrations de cette erreur. Par exemple, Archer nous propose comme point de départ, donc son alternative, pour comprendre les relations entre les êtres humains et le divin, le principe suivant, je cite, « The belief that God is love, the quintessence of unconditional love. » Moi, je ne sais pas comment on intégrerait ça en sociologie, mais peut-être, peut-être que je fais partie des déficients, sûrement. Mais donc, elle poursuit en affirmant l'universalité et la permanence de cet amour, ignorant ici complètement la dimension culturellement située de ce propos, qui n'a aucun sens hors d'une théologie chrétienne, et j'ai envie de dire d'une certaine aussi théologie chrétienne. Une approche si peu réflexive me semble peu appropriée pour comprendre ce que d'autres acteurs sociaux peuvent expérimenter, surtout s'ils ne sont pas socialisés au christianisme ou à certaines formes. Encore une fois, doit-on le dire, la connaissance du social que nous avons, de par notre expérience personnelle, est non réflexive, elle est partielle, elle est spontanée, elle est donc socialement située, et parce qu'elle est spontanée, en tant que telle, elle est très puissante. Je pense on en fait tous l'expérience. Or, une science sociale qui ne rompt pas avec les prénotions est condamnée à prendre pour acquis les croyances et représentations qu'elle souhaite prendre pour objet dans le même temps. On pourra en discuter. Moi, il me semble quand même très difficile d'être en même temps au-dessus du microscope et en dessous. Adopter un point de vue religieux, c'est risquer de s'investir dans le jeu, c'est-à-dire dans la quête des institutions religieuses pour leur propre légitimité, et ceci d'ailleurs souvent sans même en être conscient. C'est ce que Bourdieu avait appelé l'illusio, c'est-à-dire la croyance liée à l'appartenance du champ, liée à finalement l'investissement dans ce jeu, qui est lui-même lié à des intérêts spécifiques. Par conséquent, l'illusio génère des confusions entre ce qu'on appelle discours émique et éthique, où finalement les analyses sociologiques ne se différencient plus des récits des acteurs. On ne sait plus où on se trouve finalement. Et c'est ce que je tente de montrer par exemple dans mon chapitre sur la spiritualité. Spiritualité que certains universitaires ont décrit comme le lieu du choix individuel libre de toute expression ou contrainte sociale, par opposition à la religion, qui est plus organisée, plus contraignante, juste parce que les acteurs sociaux en parlent en ces termes. Ce n'est pas parce que les acteurs sociaux revendiquent et croient en leur autonomie absolue qu'ils sont émancipés de toute influence, contrainte, norme sociale ou autre. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce chapitre, puisque c'est l'objet de ma prochaine contribution pour cet atelier, mais évidemment qu'il y aura des formes de contraintes, de normes, que les acteurs sont socialisés. Il y a un manque de sensibilité au social dans l'approche de la spiritualité que j'essaye finalement de reprendre dans mon chapitre. De la même manière, dans son chapitre, Matthew Wood montre comment, en réitérant les valeurs et représentations du monde religieux sur lui-même, les sociologues qui étudient les congrégations se détournent de certains aspects fondamentaux de celles-ci. Ils se concentrent sur le rituel, la liturgie, mais finalement ignorent assez souvent le backstage. Les comités, par exemple. Ce qui devrait nous intéresser, nous, sociologues, parce qu'il s'y passe des choses très intéressantes. J'ai passé, moi aussi, beaucoup de temps, quand je travaillais sur les mouvements néo-hindous, dans la cuisine, éplucher les légumes. Bon, pourquoi éplucher les légumes, c'est moins significatif et important, ce qui se passe dans la cuisine, que ce qui se passe quand on médite. C'est aussi lié à notre représentation du monde religieux. Donc, en acceptant les catégories de pensée des acteurs sociaux, sans réflexivité, on finit par faire double jeu. Et nous dit Bourdieu, ceci est d'autant plus visible quand, par exemple, les catholiques deviennent spécialistes du catholicisme, les protestants du protestantisme, les juifs du judaïsme, et ainsi de suite. Ce qui est d'ailleurs assez souvent le cas en sociologie des religions. Et Christophe Monod, dans ce livre, donc, illustre un petit peu les problèmes de cette homologie entre chercheurs et terrain, et la manière dont celle-ci peut conduire à ne pas bien comprendre les relations, interactions et stratégies de distinction des organisations religieuses entre elles, dans le champ, précisément parce qu'on finit par avoir une position dans ce champ en tant que sociologue. De manière générale, les différents chapitres de ce volume mettent en lumière des effets de positionnement des universitaires sur leur compréhension de leur objet. Je pense que ça, c'est vraiment le fil conducteur de tous les papiers. Quel que soit, d'ailleurs, il faut le dire, certains d'entre nous se définissaient comme sociologues, d'autres comme historiens, d'autres travaillent en sciences politiques. Oui, ça, on peut le faire passer. On travaille tous ici, dans ce livre, sur des champs et des régions du monde différentes, avec des méthodes différentes. Certaines sont quanti, d'autres sont les entretiens, l'ethnographie, ainsi de suite. Mais je crois que vraiment, c'est un peu le fil directeur. Notre problème, notre opposition à la sociologie religieuse, du fait des effets de positionnement que cela induit. Donc je poursuis un petit peu de cette discussion autour des différents chapitres. Yannick Fer, lui, nous montre aussi l'effet de l'illujo dans l'étude des émotions religieuses. Il montre finalement que la catégorisation et la disqualification de l'émotion religieuse, ou de certaines en tout cas, formes plus que d'autres, chez certains sociologues reflètent des positionnements dans les champs religieux intellectuels. Et Yannick ici se réfère notamment à la manière dont le pentecôtisme a pu être associé aux émotions pures, incontrôlées, j'espère que j'ai bien retraduit, hein, irrationnelles, représentation renforcée par le fait que le pentecôtisme s'est initialement développé dans des sociétés traditionnelles et dans des strates sociales souvent les plus pauvres. D'où une compréhension du pentecôtisme comme une religion élémentaire, subjective, illettrée. Et donc dans ce chapitre, il nous propose d'utiliser d'autres cadres théoriques pour analyser l'émotion en religion, qui sortent d'ailleurs de la sociologie des religions. Je reviendrai là-dessus, c'est un point qui nous semble aussi très très important, de décloisonner la sociologie des religions, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans ce PSL. Donc je le répète, la prise de distance vis-à-vis de l'objet est nécessaire afin de ne pas s'aligner avec les acteurs sociaux dans leur lutte pour le capital symbolique. On observe par exemple une tendance dans certaines études de la religion à évaluer positivement et moralement le rôle que la religion joue dans la vie sociale. Hein, the religion is good for you. C'est ce que Gwendoline montre en relation des travaux français qui parlent des religions comme d'une chance pour la démocratie, tout en suggérant par ailleurs que toutes expressions religieuses ne sont pas équivalentes. Hein. Donc celui qui parle a bien évidemment un point de vue sur, les effets positifs ou moins positif de certaines d'entre elles, et je me demande d'ailleurs si ce que l'auteur pense par exemple de l'islam. Gwendoline met particulièrement bien en lumière les faiblesses des interventions publiques faites lors de la controverse sociale autour du mariage pour tous, contribuant à légitimer certaines institutions religieuses plutôt que de développer une analyse, une compréhension de cette controverse à proprement parler. Le double jeu, donc, hein, de jouer le jeu du capital symbolique dans le champ et de faire finalement de la sociologie des religions, ce double jeu n'est donc pas bénéfique intellectuellement. Bourdieu l'avait déjà dit il y a très longtemps, on aurait dû l'écouter, car il entraîne un manque de distance par rapport aux luttes pour ce capital symbolique. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Bourdieu avait demandé dans cet article, sociologue des croyances et croyances de sociologues, d'ailleurs il n'avait pas été écouté, à ce que les sociologues choisissent entre participer à cette lutte ou tenter de comprendre ces luttes. Vous auriez donc compris que, en ce qui me concerne, je crois que ce sont deux objectifs qui sont mutuellement exclusifs. Participer donc à la lutte a également des effets politiques et sociaux. Le chapitre d'Alix Philippon sur le soufisme au Pakistan met en lumière les conséquences non seulement intellectuelles, mais également politiques et sociales des études normatives de la religion. Elle montre d'ailleurs donc comment l'opposition binaire qui est souvent faite dans les études sur l'islam entre le mauvais islam, fondamentalisme, violent, voulant s'ingérer dans le politique, et le bon islam soufi mystique, non violent, donc apolitique. Donc cette opposition binaire est non seulement erronée d'un point de vue scientifique, façonnée par une grille de lecture orientaliste, mais elle montre aussi que cette opposition a également des conséquences sociales et politiques, et elle nous en donne un exemple avec le terrain du Pakistan. Éric Maurier-Genoux discute également des effets sociaux de l'utilisation de certains concepts, ici des concepts de reverse ou return mission, de la part des historiens et des sociologues qui donc prennent ces concepts théologiques dans leurs publications et leurs travaux. Encore une fois, non seulement ils montrent que ces notions ne permettent pas vraiment de saisir ce qui se joue dans les mouvements missionnaires contemporains, mais aussi qu'elles participent à des relations de pouvoir asymétriques entre acteurs et institutions religieuses dans un contexte qui n'est pas si post-colonial que cela. Donc pour conclure, donc ça va, hein, je pense que... Très bien. Hein. Bon, tout d'abord, pour le dire, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en anglais, « religious sociology ». Pour moi, il n'y a pas de sociologie religieuse, pas plus qu'il n'y a de géométrie religieuse ou de thermodynamique religieuse. Hein, ça n'a aucun sens. La notion de sociologie religieuse sacramentelle, chrétienne, que certains veulent promouvoir, tient aussi à des erreurs fondamentales d'ordre épistémologique, et j'en ai donné quelques exemples. Par ailleurs, il y a aussi une contradiction entre l'affirmation d'une sociologie, dans l'affirmation d'une sociologie qui ne veut pas voir dans la religion un phénomène social. Je crois que là, il y a un paradoxe que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et évidemment, la sociologie n'est pas la seule manière d'explorer et d'interpréter les phénomènes religieux. On peut approcher cela par d'autres moyens. La théologie en est un, l'anthropologie, l'histoire, enfin peu importe. Mais un projet intellectuel qui ne souhaite pas voir dans la religion un phénomène social, personnellement, ne peut s'appeler sociologie. Et l'enjeu ici, vous le voyez bien, est donc la légitimité, le capital symbolique d'intellectuels dans le champ universitaire. Ces intellectuels donc proposant cette sociologie religieuse, et puisque j'essaye d'être réflexive aussi, la légitimité d'intellectuels qui, comme moi, refusent finalement cette approche. J'essaie de définir dans ce livre ce que serait l'alternative à cette sociologie pour la religion, c'est-à-dire une sociologie critique, autour de quatre points, et on pourra donc en discuter, on pourra en rajouter ou les modifier. D'une part, donc premier point, c'est une sociologie critique en ce sens qu'elle veut, ou qu'elle doit, à mon sens, rompre avec les croyances du champ, si elle veut pouvoir les étudier. Cette approche doit donc être non normative, on n'est pas là à essayer de définir ce que le monde doit être, ce que le rôle de la religion doit être, ce que... On n'est pas là non plus pour expliquer que la religion est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la vie sociale. Mais donc, second point, cette approche non normative demande donc une rigueur dans la réflexivité, c'est-à-dire dans vraiment un effort pour réfléchir au rapport que l'on a avec l'objet et sur la manière dont ce rapport est susceptible d'affecter la connaissance que l'on produit. Donc de faire une sociologie de notre propre sociologie. De penser au contexte dans lequel on produit ce qu'on produit. Troisième point, une sociologie critique doit éviter donc de sacraliser et donc d'isoler son objet, mais de comprendre le religieux comme finalement un élément du social. On parlait ce matin de la question « Est-ce qu'on doit avoir une définition du religieux avant de l'étudier ?» Bon, personnellement, j'en ai pas besoin, mais je pense qu'il faut, ou on peut en tout cas, prendre le religieux comme un prisme parmi d'autres pour comprendre le social et en tout cas étudier le religieux en relation avec d'autres aussi phénomènes, le politique, l'ethnicité, la famille, le corps, les émotions, l'institution, le pouvoir, l'autorité, enfin, il n'y a aucune limite. D'où le titre d'ailleurs de ce livre, Bringing Back the Social into the Study of Religion. Donc voir le social dans le religieux. Et ne pas donc isoler l'objet. Et donc enfin, la suite logique, quatrième point, c'est que ceci nous amènerait donc à décompartimenter cet objet, ce champ d'étude, afin de participer à des débats sociologiques plus larges, soit dans d'autres champs, évidemment, soit aussi d'ordre théorique. L'étude de la religion devrait pouvoir nous permettre de réfléchir de manière théorique et générale sur la question de l'individualisme, par exemple, sur la question du pouvoir, sur la question des organisations, des interactions, et ainsi de suite. En d'autres termes, on pourrait résumer un peu le projet. Ainsi, il se peut que dans la sociologie de la religion, ce qui compte, ce n'est pas tant la religion en soi et pour soi, mais la sociologie. Et bon, c'est une discussion qu'on a eue depuis plusieurs années. Je vous remercie.